Sorgia FM. Sorgia. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Une émission proposée par Hubert Ledent. De la musique, de la chanson, de l'accordéon. Voilà ce qu'on vous propose tout au long de cette émission. Une heure de plaisir avec mes amis Arlette et Christophe. Bienvenue à toutes et à tous. L'émission s'appelle « Dansez maintenant ». Rien n'est interdit dans cette émission, vous pouvez évidemment danser maintenant ou plus tard, comme vous voulez. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver et puis on vous réserve évidemment, comme chaque semaine, beaucoup, beaucoup de surprises. C'est parti pour danser maintenant. Danser maintenant. Danser maintenant. Danser maintenant. Sorgia FM. Il est parti du Limousin pour conquérir la France. Oui, c'était bien là son destin depuis sa tendre enfance. Les monts d'Auvergne ont vu partir Poupou, puis le Galibier et le Mont Ventoux. Sur les pavés du Nord, c'était le roi du sport, Raymond Poulidor. Mais qui c'est le plus grand vainqueur? Allez, on redescend du vélo et on retrouve tout de suite Christophe Pesset. Accordéon Nouvelle Vague, Christophe Pesset sur Sorgia FM. Bonjour, bonjour. Alors cette semaine, eh bien, on va partir du côté de Montbéliard, Corinne Bidot, que nous allons écouter. Pour commencer, eh bien, elle vous interprète une très belle valse. Allez, ça guinche, c'est le titre de ce morceau. Entendre la rigueur de Corinne Bidot, notamment dans les orchestrations. C'est elle qui fait tous les instruments qui l'accompagnent. Alors on va tout de suite écouter un petit boléro. Ce morceau s'appelle Romantique Boléro, composition de Jackie Delance et Corinne Bidot. Thank you. nous parlions tout à l'heure de la rigueur de Corinne Bideau, et bien figurez-vous que Corinne Bideau écrit les orchestrations de chaque musicien pour la télé suisse romande. Alors parfois elle a 90 musiciens avec les violons, violoncelles, trompettes et j'en passe. Et récemment, eh bien elle a écrit toutes les orchestrations pour accompagner Patrick Bruel. Un beau morceau. Allez, on écoute Bibiche Polka. Comme chaque semaine, elle nous fait redécouvrir un artiste célèbre qu'on n'entend plus beaucoup. Voici Arlette. Hello, bonjour à tous, bonjour Hubert. Bonjour Arlette, alors je crois que cette semaine que tu nous parles d'un playboy, hein, tout simplement d'un bourreau des cœurs comme on dit. Mais oui Hubert, ce grand monsieur dont nous allons parler aujourd'hui est le chouchou de ces dames, oui. Puisqu'il ne chante que des chansons d'amour. Il s'agit bien sûr de Frédéric François, né en 1950 en Sicile. Il est donc italo-belge. Italo-belge. C'est un chanteur-compositeur. Sa mère est couturière et son père est mineur. Ils émigrent en Belgique, dans le bassin houillé de Liège. Le jeune Francesco n'a que 10 ans quand il chante pour la première fois en public, au Sole Mio, dans un café fréquenté par des Siciliens en 63. Il devient semi-professionnel en tant que guitariste-chanteur dans un groupe, Les Éperviers. En 1970, Frédéric François enregistre sa première chanson, Le pays d'où je viens. Le directeur des programmes d'Europe 1 qui la diffuse sur son antenne permet au jeune chanteur d'être classé pour la première fois au hit-parade de la radio belge.

l'amour des barcaroles et le souvenir de ses paroles. Oh, oh, oh, je t'aime à l'italienne. Oh, oh, oh, je t'aime à l'italienne. Oh, oh, oh, je t'aime à l'italienne. Oh, oh, oh, je t'aime à l'italienne. J'ai le cœur qui bouge, je parle avec les mains et je vois tout rouge si tu parles à quelqu'un. Jalouse, plus longtemps qu'un refrain. L'amour italien te va si bien. Oh, oh, oh, je t'aime à l'italienne. Oh, oh, oh, je t'aime à l'italienne. J'ai le cœur qui bouge, je parle avec les mains et je vois tout rouge si tu parles à quelqu'un. Ah ça c'est quand même le tube. Oh je t'aime à l'italienne. Très très belle chanson, une belle sélection bien sûr d'Arlette. Puis en 89, c'est une tournée en Amérique. Et c'est d'abord au Canada, à Miami, à New York, où il crée Chicago. Et c'est pas mal non plus. Chicago. Il sort ses histoires, son revolver, son borsalino. Et de verre sur une table, et mi vrai, mi fable, il me raconte la prohibition. Alors moi je me vois près de lui à Chicago, jouant toute la nuit au casino. Alors moi je me vois près de lui à Chicago, tout le monde m'appelle Frankie Borsalino. Chicago, Chicago. Dans un vieux sous-sol près du palais, il se cachait, fabriquait l'alcool qu'il revendait au juge de paix. À dehors la loi, à rien de mafia, voilà pourquoi il est toujours là. Alors moi je me vois près de lui à Chicago, jouant toute la nuit au casino. Alors moi je me vois près de lui à Chicago, tout le monde m'appelle Frankie Borsalino. Chicago, Chicago. En 1920 quand il a quitté le pays, c'est tellement le vin qu'il fabriquait. À peine débarqué, sans savoir parler, c'est de whisky qu'il s'est occupé. Alors moi je me vois près de lui à Chicago, jouant toute la nuit au casino. Alors moi je me vois près de lui à Chicago, tout le monde m'appelle Frankie Borsalino. Chicago, allez, on range les pistolets maintenant et bien sûr, on aime ces chansons de Frédéric François. Les chansons de ce grand monsieur qu'est Frédéric François tournent toujours autant dans tous les bals été dansants. Ah, oui. Que ce soit en français ou en italien, elles ont toujours le même succès. C'est vrai Arlette, je te confirme qu'on joue toujours du Frédéric François. Allez, à la semaine prochaine. Au revoir à tous. Au revoir Hubert. Au revoir Arlette, merci beaucoup et à la semaine prochaine. C'est maintenant sur Sorgia FM, Hubert Ledent. Et Bernard Marly qui nous emmène à Paris.

garçons d'Italie veulent t'emmener chez eux. Maria, tarentelle, avec toi notre vie brille mille feux. Chaque jour que Dieu nous donne est une fête qui ne s'arrêtera pas. Des grandes voix de la chanson italienne. Voici monsieur Andrea Bocelli et juste après on retrouvera Christophe Pesset et sa rubrique, la suite de la rubrique Accordéon, Nouvelle Vague. Tristezza, por favor va embora, minha alma que chora. Está vendo meu fim. Fez do meu coração a sua moradia. Já é demais o meu penar. Quero voltar àquela vida de alegria. Quero de novo cantar. Na na na. Vendo meu fim, fez do meu coração a sua moradia. Já é demais o meu penar. Quero voltar àquela vida de alegria. Quero de novo cantar. Accordéon Nouvelle Vague, Christophe Pesset sur Sorgia FM. Deuxième partie de cette petite rubrique accordéon où l'on parlait de Corinne Bidot qui nous arrive du Doubs, de Montbéliard exactement. Tout ceci est extrait de l'album Allez, ça guinche qui est disponible chez CDMC. On va tout de suite écouter un morceau qui s'appelle Tourisme Musette, une belle valse composée bien sûr par Corinne Bidot. Thank you. ça tourne et en plus ça réchauffe. Eh bien, le morceau qui va suivre, messieurs, moi, ce que je vous propose, eh bien, c'est de le chanter en même temps. Et comme ça, vous verrez que madame qui se trouve juste à côté, eh bien, va être heureuse. Ça sera son plus beau cadeau de Noël. On va écouter maintenant Laisse-moi t'aimer. Allez, c'est parti, je vous écoute. Entendu Hubert chanter Arlette au loin fredonnait. Eh bien oui, laisse-moi t'aimer Corinne Bidot. Alors on va terminer cette petite rubrique avec une tarentelle cette fois-ci qui s'appelle Tourterella, composition de Claude Genet et Corinne Bidot. En tout cas, eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous de ne pas geler, une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Merci et à très bientôt. c'est maintenant sur Sorgia FM, Hubert Ledon. Ça va vous rappeler beaucoup de souvenirs en noir et blanc. J'avais 20 ans à peu près, et tous les jours à la télé, une brune et une blonde faisaient tourner ma neige. J'avais tout juste 20 ans, et sur le petit écran, Antoine et ses cheveux longs faisaient rugir mon père. Et pendant ce bel été, à Quadro nous commentait les quatre médailles de Lewis, nous debout sur nos sièges. C'était le temps des copains, on marchait main dans la main, alors on rêvait déjà de faire midi première. En noir et blanc ou en couleur, elle est le miroir de nos souvenirs. À n'importe quelle heure, dans le fond du salon, le temps d'un journal, d'un éclat de rire. Direct, en différé, je ne voulais rien manquer des exploits de McEnroe ou de Maradona. J'ai vu le tout premier pas, bien avant les écrans plats, de ce drôle d'Américain se baladant sur la lune. Il faut dire que dans nos poches ne sonnaient pas encore les croches des tout premiers téléphones, pas plus grands que trois doigts. Et quelques années plus tard, je chassais mes idées noires en voyant l'ami Coluche se marier sur la lune. C'est bien trop tard. L'émission touche à sa fin, malheureusement, et on se retrouve dès la semaine prochaine, même station, même heure. Merci pour votre fidélité. Je vous embrasse. Quand l'été reviendra, reviendront les beaux jours. Avec eux dans tes bras, reviendra l'amour. Chaque fleur sourira. chaque nuit passera. Sorgia FM, Sorgia FM.